comme espérance. L'espérance chrétienne nous donne une ferme confiance que nous irons un jour au ciel, avec le secours de Dieu. F comme foi. La foi est une vertu par laquelle nous croyons fermement tout ce que l'Église nous enseigne de la part de Dieu. L'adoration des mages. Les savants et les riches viennent à la crèche après les pauvres. Les rois mages, conduits par une étoile, viennent après les bergers adorer Jésus dans l'étable. Marie le tient sur ses genoux et leur montre le divin enfant. Il lui offre de précieux présents, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. L'enfant Jésus n'a pas besoin de nos dons, mais il veut bien les accepter. Donnons-lui surtout notre cœur. C'est le seul bien qu'il nous demande.